Unité 8. 1 à 1. Allô Camille, c'est Jérôme. Salut Jérôme, je suis désolée pour Sophie. Je l'ai vue hier, elle m'a dit qu'elle t'avait quitté. Je suis désespéré. Je sais plus quoi faire. Écoute, tu peux encore arranger les choses. Sophie est impulsive, mais elle a de l'humour et un grand cœur. 2. Bonjour Emma. Salut Marie, William est là ? Non, il est sorti. Pourquoi ? Ah, tu peux lui demander s'il a toujours le livre sur mai 68. Je dois le rendre à la bibliothèque. Je ne le verrai pas d'ici demain, hein, mais je lui transmettrai le message si tu veux. Ok, super, merci. 3. Alors mon bonhomme, on part bientôt en vacances ? Oui, quand tu rentreras, on partira tous ensemble avec maman. Maman m'a dit que tu lisais des histoires de pirates en ce moment. Ça te plaît ? Oui, et de naufragés. Quand on arrivera sur la plage, je vais cacher un trésor. Un trésor ? Alors il faudra bien le cacher. Ben oui, tu viens bientôt. 4. Bonjour madame, je cherche à contacter madame Annie Dumont, s'il vous plaît. Oui, c'est de la part de... Madame Sauge, de la Banque Populaire. Madame Dumont est en réunion en ce moment, je peux vous aider ? Pouvez-vous lui dire de me rappeler au 06 43 56 52 78 avant 17h, s'il vous plaît. C'est assez urgent. Merci. 5. Tu as des nouvelles de l'agence, ma puce ? Non, toujours pas. Il faudrait peut-être les appeler pour savoir s'ils ont prévu des visites cette semaine, non ? Oui, je m'en charge si tu veux. 6. Elle était magnifique. Tu ne peux pas savoir. Mais tu n'es pas retourné à la station ? Tu ne l'as jamais revue depuis ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Tu n'aurais pas une idée ? Tu pourrais peut-être mettre une annonce. Romain m'a dit que ça avait marché quand il avait fait ça pour Julie. Depuis, ils sont ensemble. 7. Allô, Sorette, ça va ? Salut, Philou. Oui, ça va ? Dis-moi, tu sais qui s'occupe de l'anniversaire de maman ? Pour le cadeau, je crois que nous sommes tous d'accord, le voyage en Martinique est une excellente idée. Mais qui va réserver ? Je t'avoue que de mon côté, je n'ai pas une seule minute à moi. Moi, je suis un peu juste en ce moment niveau argent. Bon, il faudrait voir avec Gaëlle. D'accord. Je te laisse lui demander, ok ? Il faut que j'y retourne.